إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. Nous allons terminer, inshallah, tabaraka wa ta'ala, les récits du grand prophète Hud, alayhi salat wa salam. Ce prophète fait partie de la descendance de Nuh, alayhi salam. Et de ce fait, les savants divergent sur le nombre de générations entre lui et son ancêtre Nuh, alayhi salam. Alayhi salam. Le premier avis est de dire qu'il est Hud, fils de Shalach, fils de Arfakshad, fils de Sem, fils de Nuh. C'est-à-dire qu'il y a entre lui et Nuh cinq générations. Et bien à l'esprit que lorsque nous parlons de génération, il faut avoir en tête qu'elle peut se compter en centaines d'années, puisque les gens, dans les premiers temps, vivaient très longtemps. L'espérance de vie était très très grande. Donc, lorsque nous disons cinq générations, ce qui peut, nous, à notre époque, valoir plus ou moins 500 ans, voire moins, cinq générations à l'époque de Hud peut se compter en centaines d'années, voire en milliers d'années. Alors, la Kulihal, le premier avis, c'est de dire qu'il y a entre Hud et Nuh cinq générations. Le deuxième avis, c'est de dire qu'il est Hud, fils de Abir, fils de Shalach, fils de Arfakshad, fils de Sem, fils de Nuh. C'est-à-dire qu'il y a entre lui et Nuh six générations. En rajoutant un homme qui est Abir, qui serait le père de Hud. Le troisième avis est le fait de dire qu'il est Hud, fils de Abdallah, fils de Rabah, Al-Jarud, fils de Ad, fils de Aus, fils de Iram, fils de Sam, fils de Nuh. C'est-à-dire qu'il y a entre lui et Nuh sept générations. Ce que l'on peut retenir ici, si on reprend les trois avis et d'autres avis, c'est que ce prophète est un descendant relativement proche du prophète Nuh, par l'intermédiaire de Sam. Nous avions dit que Nuh, alayhi salat wa salam, a eu trois fils et les descendants de ces trois fils constituent l'espèce humaine à notre époque. Donc, Sam, Ham, Wayafis. On voit bien que à travers tous ces avis, tous les savants remontent vers Sam, qui est le fils de Nuh. La deuxième chose que l'on peut constater ici, c'est le troisième avis. Le troisième avis, qui évoque dans la lignée et parmi les ascendants de Hud, Ad, à qui le nom de la tribu, de sa tribu, fut donné. Nous disons que Hud fait partie du peuple de Ad, ou de la tribu de Ad. Ad, qui, comme je vous le rappelle, si on prend ce troisième avis, est l'arrière-grand-père de Hud, l'arrière-grand-père de Hud, alayhi salatu wassalam. Ibn Kathir, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, a dit « Houd, alayhi salatu wa salam, est issu d'un peuple appelé Ad, peuple arabe qui habitait Al-Ahqaf. Al-Ahqaf, qui est une région dans le sud du Yémen, entre Oman et Hadramaut. Elle se situe au bord du littoral, sur une terre appelée Al-Shihr, d'où le nom existe encore. Et la vallée dans laquelle ils habitaient s'appelait Mourif. Ils vivaient le plus souvent dans des tentes soutenues par de grandes colonnes, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, Iramazati l'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dans la sourate numéro 89, le verset 7 et 8. Allah dit dans le sens des versets, Iram, la cité aux colonnes, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes. C'est-à-dire que ce peuple n'a jamais eu de semblable, ou que ses colonnes sont uniques. Mais le premier avis, et c'est celui qui est authentique pour Ibn Kathir, comme il dit, je l'ai montré dans mon tafsir, dans mon explication du Coran. Le premier avis est le plus authentique, à savoir que ce peuple-là n'a pas d'équivalent. Quant à ceux qui prétendent qu'Iram, Iram est une ville qui se déplace sur terre entre le Shem et le Hijaz et ailleurs, alors ils ont prétendu une chose sur laquelle il n'y a aucune preuve. D'autres commentateurs du Coran et d'autres historiens pensent que Iram est une tribu et non une ville. Iram est le nom d'une tribu et non d'une ville, une tribu issue de Ad. À cet effet, le grand commentateur du Coran, Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, Iram, la tribu connue au Yémen, ذات العماد, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, c'est-à-dire celle qui avait la force terrible, en plus du fait qu'ils étaient outranciers et tyrans, dont jamais pareil comme tribu ne fut et n'exista parmi les villes. Ceci dans la force et la rudesse, comme l'a expliqué Houd alayhi salatu wa salam alors qu'il s'adressa à son peuple, وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans la sourate numéro 7, le verset 69. Et rappelez-vous, quand il vous a fait succéder au peuple de Nour, et qu'il accrut votre corps en hauteur et corpulence. Autrement dit, ce peuple-là avait une constitution physique des plus étonnantes. Ils étaient grands, ils étaient forts, ils étaient puissants. Non. Donc c'est un deuxième avis chez les savants qui disent que Iram est en réalité une tribu dont les membres étaient des gens doués d'une force surprenante et dont la constitution corporelle était notoire. Alors que d'autres savants disent que Iram était la ville où ils siégeaient, une ville extraordinaire remplie de colonnes et pour certains, rempli de grandes tentes soutenues par de grands piliers. Pour revenir à la lignée de Houd, alayhi salatu wa salam, Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, on dit des Arabes venus avant Ismaïl, le fils d'Ibrahim, alayhi salatu wa salam, on dit des Arabes qui sont venus avant Ismaïl, qui sont les Arabes purs, et ils sont nombreux. Parmi eux, on a le peuple de Ad, on a le peuple de Thamoud, on a le peuple ou la tribu de Jurhum, on a la tribu de Tosm, Jadis, Amim, Madian, Imlaq, Abil, ou Ubayl, Jasim, Qahtan, Banu Yaqtun et d'autres. tous ces peuples ou toutes ces tribus faisaient partie des Arabes de souche. Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: nous avions déjà certes évoqué l'ordre de Nuh alayhi salatu wa salam vis-à-vis de ses enfants, à savoir qu'il leur ordonna de se répandre sur terre et d'y habiter chacun dans un endroit avec son groupe. Ceci bien sûr afin que l'espèce humaine augmente et prolifère. Les années passèrent et il y eut parmi eux ceux qui transgressèrent et se révoltèrent vis-à-vis des commandements d'Allah. Allah leur envoya donc un messager qu'ils traitèrent de menteurs et ils perdurèrent dans leur égarement. Allah les fit périr. Ces deux grandes tribus concernées furent Ad, le fils de Aous, le fils de Hiram, le fils de Sam, le fils de Nuh. Ce sont les premiers Ad, ceux vers lesquels Hud fut envoyé. Alayhi salatu wassalam. Le deuxième peuple exterminé, ce sont les Samoud. Nous y reviendrons plus tard, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, en détail, lorsque nous évoquerons l'avènement du prophète Saleh. Samoud, fils de Jathir, fils de Hiram, fils de Sam, fils de Nuh. Ces deux tribus font partie des Arabes dits disparus ou exterminés. Al-Arabul Ba'ida, les Arabes qu'on dit disparus ou exterminés. En effet, il n'en reste aucune trace. Allah les a exterminés du premier au dernier en regard des transgressions qu'ils avaient commises vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis du prophète qui leur fut envoyé. Puisque nous parlons de tribus, il est important de souligner une chose importante qui est directement liée avec la prophétie ou le message prophétique. Le grand savant Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit dans l'explication de la croyance de l'imam Al-Saffarini, qui est un livre qui reprend les fondements de la foi et les fondements de la croyance de l'islam. Il dit, en commentaire d'un verset, d'un vers de poème de l'imam Safarini, il dit, cher Athémin, il est obligatoire et nécessaire pour celui qui a été choisi par Allah pour porter le message, qu'il soit apte à ce dernier. Il est primordial que celui qui reçoit le message soit apte à le supporter. Car en effet, toute personne n'a pas les compétences et les aptitudes nécessaires et Allah dispense de ses grâces à qui il veut. Il en est de même de la science qui découle du message, c'est-à-dire du message prophétique. Allah en fait bénéficier celui qui est apte à la porter et celui qui la mérite. Qu'Allah nous compte parmi eux. Puis un peu plus loin, il dit, la troisième condition chez le prophète ou le messager est la force et la puissance, à savoir que le prophète doit être doué d'une certaine capacité et d'une certaine force pour transmettre le message. De ce fait, il est impossible qu'il soit sourd ou faible, mais il est nécessaire qu'il soit doué de force. Envoyer une personne dénuée des attributs les plus élémentaires serait considéré comme un amusement, chose dont Allah est exempté. Il est inconcevable qu'il y ait un messager incapable de parler, ou bien sourd, ou encore aveugle, même si la cécité n'empêche pas de transmettre le message. Puis il dit un peu plus loin, de surcroît, il n'est pas conditionné que ce prophète soit le chef de sa tribu ou de son peuple, même si cela revient dans la majorité des cas. Il possède une autorité et un pouvoir sur son peuple, ou bien il est issu d'une tribu puissante qui possède cette autorité. Allah dit Jalla wa'ala, وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ. Allah dit dans la sourate 11, verset 91, si ce n'était ton groupe ou ton clan, nous t'aurions lapidé. Effectivement, le peuple de Shu'aib, un prophète aussi dont nous reviendrons en détail sur son histoire, son peuple s'est opposé à lui et lui a rétorqué cette phrase en lui disant « Si ce n'était ton groupe ou ton clan, ou ta tribu, sous-entendu qui te protège, nous t'aurions déjà lapidé. » Donc, dans la majorité des cas, le prophète a un pouvoir dans son peuple, de prime abord, bien avant la prophétie. Il se peut aussi qu'il ne soit pas issu d'une tribu avec ce pouvoir, ou que lui-même ne détienne pas un pouvoir politique ou autre, mais néanmoins, il tient une place d'honneur et de rang. Allah dit à Barak wa ta'ala, lorsque l'hôte, le prophète l'hôte dit à son peuple, قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Dans la sourate numéro 11, verset 80, Lot a dit, alayhi salatu wasalam, ah, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide, c'est-à-dire des gens qui me soutiendraient et me défendraient contre vous. Donc, il n'est nullement une condition que le prophète soit un chef parmi les siens, bien que ceci représente la majorité des cas. Fin de citation. Ce que l'on déduit de la parole de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, est que le prophète ou l'envoyé est issu d'une tribu reconnue et respectée par le peuple dont elle fait partie. Et même s'il n'est pas le chef de cette tribu, ou bien qu'il détienne une autorité parmi son peuple, il jouit néanmoins d'une place et d'un rang respectable et reconnu. Ceci relève de la grande sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci afin de fermer les portes à toutes les invectives qui pourraient être portées sur le prophète ou l'envoyé qui serait issu d'une tribu faible. Ces derniers seraient alors attaqués sur leur lignée et leur message serait moins crédible aux yeux de ces gens. De plus, si le prophète ou l'envoyé était issu d'une tribu faible, il ne pourrait solliciter l'aide et le secours de sa tribu contre les préjudices de quelque nature qu'ils soient. Pour toutes ces raisons, Allah, dans sa grande sagesse, envoie ses prophètes et ses envoyés alors qu'ils sont issus de tribus reconnues, fortes et respectées. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dit que le peuple de Aad fut le premier à adorer les idoles après le déluge. Allah envoya donc leur frère Hud, alayhi salatu wa salam, afin qu'il les rappelle à Allah. Allah dit à cet effet, jalla wa'ala, وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. Dans la sourate numéro 7, le verset numéro 69. Et rappelez-vous, quand il vous a fait succéder au peuple de Nour, et qu'il accrut votre corps en hauteur et en puissance. Comme nous l'avions dit, et comme le souligne Abdurrahman ibn Sa'di, Allah tabaraka wa ta'ala a doté le peuple de Aad une force et une constitution physique des plus étonnantes, au-dessus de la norme. Allah dit aussi, tabaraka wa ta'ala, ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. Dans la sourate numéro 23, le verset 31. Puis, après eux, c'est-à-dire après le déluge, nous avons créé d'autres générations. L'imam Ibn Kathir de continuer de dire, et d'après ce qui est authentique, il s'agit du peuple de Hud, bien que d'autres commentateurs du Coran aient prétendu qu'il s'agissait du peuple de Thamoud, en raison de la parole d'Allah, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dans la même sourate, numéro 23, verset 41. Le cri les atteint en toute justice, puis nous les rendîmes semblables à l'écume du torrent. Où le cri ici est mentionné, et nous savons très bien que le peuple de Thamoud fut exterminé par un cri qui les terrassa du premier coup. En substance et en résumé, le peuple de Had était un peuple arabe, rude et mécréant, rejetant la vérité et s'obstinant dans l'adoration des statues. Allah leur envoya alors un homme issu d'eux, qui les appela à l'adoration d'Allah, Jalla wa'ala, seul en lui vouant un culte exclusif. Ils le traitèrent de menteur, le contredirent et le rabaissèrent, et c'est pourquoi Allah, Jalla wa'ala, les saisit d'un châtiment émanant du puissant omnipotent. Houd, alayhi salatu wassalam, les appela à l'adoration d'Allah, Jalla wa'ala, les encouragea à lui obéir et à demander et implorer le pardon du Seigneur des mondes. De plus, il leur promit en échange les biens de ce bas monde et ceux de l'au-delà. De plus, il les avertit d'un châtiment en ce monde d'ici-bas et un châtiment dans l'au-delà s'ils s'opposaient à lui. Malgré tout ceci, leur réponse fut la suivante. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Dans la sourate numéro 7, le verset 66, les notables de son peuple ne croyaient pas dire « Certes, nous voyons que tu es stupide et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. » Les notables de son peuple qui ne croyaient pas ont dit « Certes, nous voyons que tu es stupide et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. » C'est-à-dire que ce à quoi tu nous appelles n'est qu'une sottise par rapport à notre adoration des statues dont nous espérons la subsistance. De plus, nous pensons que tu mens lorsque tu prétends qu'Allah t'a envoyé. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. À sourate numéro 7, les versets 67 et 68. Il dit, ô mon peuple, je ne suis pas stupide, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je suis pour vous un conseiller honnête. Nous avions déjà parlé de l'honnêteté, de l'intégrité qui caractérise les prophètes. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que vous pensez. Et la transmission d'un message implique l'absence de mensonge dans ce qui est transmis, sans ajouter ni retrancher quoi que ce soit. Cela doit également se faire en toute clarté et éloquence, sans ambiguïté, ni divergence ou contradiction. En plus de cette transmission claire, empreinte de douceur et de sincérité, avec la volonté de guider son peuple vers la voie droite, Houd ne demanda d'eux aucun salaire. Il était sincère envers Allah dans sa prédication et dans le conseil qu'il adressait à ses créatures. Il ne chercha de récompense qu'auprès de celui qui l'a envoyé, et qui tient dans ses mains les richesses de ce bas monde et celles de l'au-delà. Et celui qui détient le commandement du début à sa fin. C'est pour cela qu'il dit à son peuple, « Ya qawmi, la as'alukum alayhi ajra, in ajriya illa ala allazi fatarani, afala ta'qilun. » Dans la sourate numéro 11, la sourate Houd, le verset 51. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Ma récompense n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas. C'est-à-dire, ne raisonnez-vous donc pas pour voir que je vous appelle à la vérité éclatante pour laquelle témoigne la nature sur laquelle vous avez été créé. C'est la religion de vérité avec laquelle fut envoyé Nour, alayhi salatu wassalam, et pour laquelle Allah a exterminé ceux qui s'en écartaient. Je vous appelle vers cette religion et ne vous demande aucun salaire, car je ne cherche de récompense qu'auprès d'Allah, qui seul peut amener le bien ou causer du tort. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.